Clémentine était si belle, belle comme un pédalo. Mais comme toutes les belles, le traquait par les salauds. Tout au fond de sa province, elle ressasse des chansons en couchant tous les garçons. Et je lui demande pourquoi tous les autres, oui mais pas moi. Oui, je me demande pourquoi Clémentine ne répond pas. Clémentine était si belle, mais ne voulait rien savoir. Malgré tout, ses vices, elle n'aimait que les fomblards. Pourtant, moi, j'ai composé pour elle le meilleur de moi en gueulant cette chanson-là. Et je lui demande pourquoi tous les autres, oui, mais pas moi. Oui, je me demande pourquoi Clémentine ne répond pas. Wouh! Clémentine saura un jour que mes chansons qu'elle aime tant ne sont rien que le miroir de ses yeux si grands. Et même si les Meat Troopers chantent des chansons pour elle, moi je lui resterai fidèle. Clémentine. Clémentine est bien gênée à l'aube de ses 20 ans quand elle s'aperçoit soudain de ses sentiments. Car bien mieux qu'une chanson, moi pour gagner son cœur, j'suis sorti avec sa sœur. Et elle me demande pourquoi, pourquoi elle, oui pourquoi moi. Oui, elle me demande pourquoi Clémentine ne comprend pas.